Bonsoir, frères et sœurs, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous tous. C'est toujours avec plaisir que nous rentrons la caille nous pour nous capables parler ensemble avec nous pour transmettre le message que le Seigneur a gagné pour nous. Moi content qu'on ait nous toutes, nous chita botabla. Bible nous l'emmène nous, créons nous là, note nous là, cahier nous là, et surtout nous connaît que nous là parce que nous avons rendez-vous avec le Saint-Esprit, le spécialiste des cœurs, le spécialiste des relations, pour que nous capables causer ensemble. Et ça qui est important, c'est que tout ça, Saint-Esprit a dit. C'est pour le capable prendre nous dans un point A pour le mener nous dans un point B, toujours pour notre bonheur. Nous te voyons déjà l'importance que bon Dieu l'y placé dans la relation mariage là. Je vous dis à nous pour continuer, nous pour voir qui valeur que mariage là li gagne qui gens que nous-mêmes nous doit concevoir li le nous comprendre toute valeur gagne ça pourrait permettre que nous gérer relation nous mieux et ça pourrait permettre tout que pour jeunes qui pour co-marier ou qui envie marier qui en route pour marier prendre des dispositions pour que yo capable rentrer dans mariage là avec de meilleures dispositions et pour que yo capable durer et transmettre royaume bon Dieu un message de l'amour de Dieu dans toute longueur li dans profondeur li dans largeur li dans hauteur li j'ai noté li ensemble et comme ça n'a ramené d'autres personnes à Jésus-Christ. M'invitez-nous, inclinez-nous pour nous prier avant de nous rentrer dans le message aujourd'hui. Notre Père et notre Dieu, nous voulons nous remercier pour l'amour qu'on manifeste envers nous. Chaque fois que nous arrivons dans le pied, nous joignons des paroles qui réconfortent nous. Des paroles qui construisent nous, des paroles qui permettent que nous grandissions pour nous tourner à l'image de Jésus-Christ. Père, nous remettons audience à la mer. Saint-Esprit, nous bâle tout cœur cap couteau à soya. Et nous ne pouvons pas le placer des paroles dans le cœur nous pour que ce mensaïo capable de porter du fruit. Et ceci, pour ta gloire et pour notre bonheur, dans le nom de Jésus. Amen. M'a invité nous pour nous ouvrir avec moi la Bible dans Job chapitre 38, verset 33. Job 38, verset 33. Nous lit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ça, c'est une question que bon Dieu posait Job. Mais moi, dis-nous déjà que ces questions, ça, nous gagnons les sous forme question, mais dans l'original, là, sont déclarations liées. Liées pas sous forme de question, c'est une déclaration. Qui dit? Tu connais les lois du ciel, tu règles son pouvoir sur la terre. Ça veut dire ou bonne bagaille pour nous. Le Jésus priait, il dit, papa, prions pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, il révélait nous plein ciel. Programme ciel là, c'est fait que même ça qui passé bon côté bon Dieu a li passé tout sous la terre. Pas oublier, nous te ouais déjà dans première étude nous que Éden c'est la présence de Dieu. Côté bon Dieu y est, c'est l'Éden. Bon, me faisons le verset en allant Joël au moment. Joël chapitre 2 verset 3. Nous pourrons joindre deux petites phrases là qui pourront faire nous comprendre ça me voulait dire là. Joël 2 verset 3, il dit devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays, c'est une petite phrase ça me voulait nous noter, le pays était devant lui comme un jardin d'Éden et derrière lui c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Ou quand on a une Bible pour là, il est marqué auparavant comme un jardin d'Éden. Mais même mot qui traduit auparavant, il traduit devant lui aussi. Donc, on va prendre l'autre version, il mettait devant lui. Eh bien, c'est l'idée à ça. Devant mon Dieu, en présence de Dieu, c'est un jardin d'Éden. Donc, dès qu'on est en la présence de Dieu, on est dans le jardin d'Éden. Mais derrière lui, c'est un désert. C'est pour raison ça, tout le monde qui contendait déjà, on a parlé de rébellion. Monde qui a fait rébellion et soulevé pour, même quand il y a une raison pour une série de bagailles, même toujours dit, fais attention pour ne pas jamais paraître derrière deux bon Dieu. Parce que derrière lui, c'est toujours un désert. Ça veut dire qui ça? On est capable de gagner raison dans l'église, dans le pays, même dans le cas là. On sait de bagaille, il y a femme qui m'a dit, qui est révoltante, c'est vrai. Mais depuis maintenant, révolte, m'entrer en rébellion, m'entrer automatiquement en Basel Satan. Je vais reprendre samedi. Dès que nous n'en rébellions, pour quelle que soit bonne raison, hein, Dieu fait toujours grâce aux humbles, mais il résiste aux rebelles. Les orgueilleux, c'est même moi qui traduis rebelle là. Donc, depuis maintenant rébellion, bon Dieu, bam, domer. Ou du moins, lui, bam, mère, il dit, me rester loin. Bon, je suis à ce moment, derrière bon Dieu. Donc, pour quelle que soit la raison, hein, veillez pour comme toujours en présence bon Dieu. Mon bar pour me traiter, m'a traité, c'est vrai, même pas rentrer dans aucune rébellion, m'a mettre dans derrière de bon Dieu pour quelque raison que ce soit, et pour quel que soit moun, quel que soit amour mien pour moun, sympathie mien avec moun, m'pa pral placer derrière do bon Dieu. Parce que derrière lui, c'est toujours un désert affreux. Et devant lui, c'est un jardin d'Éden. Alors, m'a retourné dans Job 38 qui dit, si vous connaissez loi ciel, et c'est privilège ça nous gagner le nous gagner la Bible en main nous parce que la Bible qui s'allie la Bible c'est constitution qui bat nous les lois du ciel. Tu connais les lois du ciel, alors tu règles le pouvoir du ciel sur la terre. Zamim, frem, sem ou même qu'à côté là jodi ya. Kembe verset ça souligner dans Bibouwa. Tu connais les lois du ciel. Mais ça qui plus important pour me chercher connaît. Qui ça ciel si l'a dit sous telle raison, sous telle bagaille, sous tel programme. Lorsque me connais loi ciel là, alors m'a réglé, m'a régné, m'a réglé pouvoir ciel là sous terre. C'est important, important, important. Dans la première étude, nous, notez que le mariage, il y a une valeur importante aux yeux de Dieu, une grande valeur aux yeux de Dieu. Nous allons continuer aujourd'hui, hein, et nous allons dire que le mariage, là, c'est un atout lié pour travail bon Dieu besoin fait sur terre. Bon Dieu besoin permettre que ça qui a passé en haut dans le ciel là rive même genre tout sous la terre. Et pas gagner plus gros outils qui a fait ça arriver fait que le mariage. On va reprendre ça. Pas gain plus gros outils. Nous quand même prendre temps moins parce que nous pas besoin courir, nous besoin prendre plutôt nous prendre un petit bagage mais nous bien prendre pour capable produire bon fruit nous besoin. Si nous besoin pied mapou, ça prend temps pour le pousser pour me gagner un gros pied mapou. Mais si c'est zèbre m'a poussé, donc zèbre là, c'est 5 secondes, un plein zèbre. Mais après ça tout, il mourit. Même besoin ou ma pou, un bagage qui solide. Alors attendez bien ça. Mariage c'est un atout lié pour bon Dieu sous terre. Pis gros outil que bon Dieu gagne pour lui faire ça le besoin faire sous terre arrivé, c'est le mariage. Pis gros outils, pis gros instruments, pis gros moyens que bon Dieu gagne pour le faire volonté li sous terre, c'est le mariage. En fait, c'était quoi la volonté de Dieu? Qui ça l'est dit dans le livre de la Genèse? Genèse, chapitre 1er, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons dans la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques et sur toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Faisons l'homme, la race humaine, à notre image, pour qu'il, ILS, domine. Donc, programme bon Dieu, plan bon Dieu, c'est permettre que gagne une race qui s'est race pâlie. L'apôtre Paul va le faire, nous comprenons ça, fille devant. Nous sommes de la race de Dieu. Une race qui créait à son image. Image là, on le dit, qui gagnait tout ça que lui-même lui gagnait. Même caractéristique avec elle. Même essence avec elle. Qui ka comprendre bagay yo, j'en l'il comprendre yo. À notre image. Ou, c'est comme yo duplicata de moi-même. Chaque fois moi gade, c'est moi encore. Et selon notre ressemblance, ça veut dire dans l'hébreu, qui fonctionnait même genre avec nous. Faisons l'homme, cette race, à notre image, et qu'il domine. C'est yok pour dominer sous terre. Donc, depuis yok dominer, c'est un coup, c'est nous qui avons dominé, parce que c'est notre image. C'est plus tard, la Bible parlera nous, les fils de Dieu. Et Romain parle dit, la nature soupire après la manifestation des fils de Dieu. Et Jésus parle rappeler nous dans Jean, ça qui était dit déjà dans Somme, que nous sommes tous fils du Très-Haut. Par conséquent, programme bon Dieu, c'est fait de nous, sur la terre, des rois qui dominent, qui réglent pouvoir ciel là sous terre. Donc Job dit nous, tu connais les lois du ciel, tu règles son pouvoir sur la terre. Donc, le mariage, cette famille que Dieu a instituée, c'est plus gros atout que bon Dieu gagne sous terre pour le faire salver arriver parce que c'est l'améliol placé la terre. Somme 115, verset 16 dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme, aux êtres humains. Donc Dieu donna la terre à la race humaine pour que volonté pâle, sale besoin faire, dans le ciel là, ils ont fait par la race humaine, par l'homme. Et verset 27 là dit, Dieu créa les êtres humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, et verset 28, puis Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons dans la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu donna l'autorisation à l'homme de régner sur la terre. Moa, en hébreu, c'est le mot mamlaka, qui c'est le royaume. Dieu donna le royaume de la terre à la race humaine. Donc, à toi, la race humaine, les deux mis ensemble, l'homme et la femme, c'est plus gros instrument. D'ailleurs, nous comprenons ça, je veux dire. L'on peut rentrer dans le mariage, comprendre qu'on peut rentrer. Plus gros outil que bon Dieu gagne pour le faire volonté. Si Jean l'a passé dans le ciel là, passé sous terre, c'est l'homme, la race humaine. Connecter l'homme et la femme, nous parlons ça plus devant, ça parle bas nous, yon boum. Yon chasse 1000, deux ensemble chasse 10 000. Ça vient faire yon résultat exponentiel. Maintenant, puisque le mariage aussi important, nous pouvons comprendre tout que l'Ipral tourne une cible. Dieu prend l'homme, Psaume 8 me dit, il l'a fait de peu inférieur à Dieu et il l'a couronné de gloire et de magnificence et il lui a donné la domination. Dans verset ça, nous venons trois bagailles qui, dans la nature de Dieu, la gloire, la domination et la magnificence, c'est l'honneur. Trois bagailles ça, yo nan bon Dieu. Songez, le angio a dit, matin, midi, soir, au siècle des siècles, gloire, honneur et puissance, gloire, honneur, puissance. C'est comme ça, ouais, bon Dieu. Depuis, ouais, c'est ça, il dit. Maintenant, les trois choses, bon Dieu placé dans l'homme. Le nous dit, il crée à son image. C'est exactement ça. Maintenant, Dieu va donner à l'homme toute cette responsabilité. Et lorsque le texte dit, il bénit l'homme, il transfère pouvoir pour que l'homme continue les œuvres de la création. Maintenant, qui travaille l'homme pour le faire? Le jardin d'Éden, que bon Dieu plaçait l'homme là, toute la terre par jardin d'Éden. Jardin d'Éden là, moi te dis, c'est une marque. C'est comme un espace. Espace ça, c'est comme une porte ouverte en ciel là et terre. Oh, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que toute la terre soit pleine de sa gloire. Donc, le travail d'Adam et Ève, en réalité, c'est pour être fait que toute la terre vienne tourner au jardin d'Éden. C'est travail, ça. C'est plein bon Dieu à ça. Donc, il fait première partie, il fait Éden, il met la donne, et travail Adam et Ève, c'était transférer même les schémas, ça. Transférer Éden fait le répandre sous toute terre. Et bon Dieu bali moyen pour le faire. C'est qui moyen li bali pour le faire? La bénédiction. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Ça veut dire, et productifs, multipliez, remplissez la terre. Nous t'avons étudié déjà avec que mot remplir, ça veut dire, renouvelez stock là. Et assujettissez la terre et dominez sur toute la planète. Mais maintenant, moi je dis, si mariage là, il est assez important aux yeux de Dieu, il vient tourner tout une cible. Cible là, l'ennemi, premier côté, il peut l'attaquer, Parce que mariage, là, c'est lui-même qui a tout. C'est lui qui est instrument. C'est lui qui engin lourd, là, pour travailler la fête. Parce que l'homme est d'abord spirituel, parce que pour le cas communiquer avec bon Dieu, il faut cette partie spirituelle en lui. Mais l'homme est aussi charnel, dans un sens, côté, pour que le capable entrer en relation avec les éléments naturels, donc Dieu lui a formé un corps. Et c'est à partir de ce corps que l'homme maintenant va pouvoir travailler sur la terre, dominer sur la terre. Maintenant, le malin, comme nous dit, va attaquer qui ça, mariage là. Et en attaquant le mariage, qui ça va le faire finalement, il va bloquer ou commencer souiller ou déranger le plan de Dieu qui sait permettre que toute la terre tourne un jardin d'Éden. Pas oublier, devant Dieu, c'est le jardin d'Éden, mais derrière lui, c'est un désert. Et si vous allez dans votre Bible, vous allez voir quelque chose. Dans votre Bible, il est noté, dans Genèse chapitre 3, que Dieu va chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. Et maintenant, l'apôtre Paul va l'expliquer, nous sagesse savent les dire. Car tous ont péché et sont privés, séparés de la gloire de Dieu. Alors voilà, l'homme est maintenant caché de la présence de Dieu. L'homme est maintenant séparé de la gloire de Dieu et on a déjà étudié que c'est l'esprit qui donne la vie. Donc quand l'homme coupé de l'esprit de Dieu, c'est la mort sur le champ, c'est la mort immédiatement. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Maintenant, à l'extérieur de l'Éden, on n'a pas la vie. On n'a pas l'esprit qui donne la vie. On n'a pas l'esprit. L'esprit qu'on va avoir maintenant à l'extérieur de l'Éden, c'est l'esprit du monde qui donne la mort. Mais maintenant, comment Dieu va intervenir dans l'affaire? Il va intervenir par l'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et c'est l'Esprit qui vivifie. Alors, pour qu'il puisse avoir encore la vie, il faut le retour de l'Esprit. Et c'est exactement pour qui raison Jésus était obligé de mourir. Lorsque Jésus mourit, maintenant, lui payait conséquence péché Adam et Ève là, ça fait qu'on y a que légalement, le Saint-Esprit capable de retourner, et la Bible me dit, dans Actes des Apôtres, que le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, retournait, et qui côté il pourra l'habiter maintenant, dans le corps de l'homme, parce qu'à partir de ce moment, le cœur de l'homme est recréé, immédiatement, l'Esprit de Dieu peut vivre dans l'esprit de l'homme, parce que maintenant l'homme a un esprit nouveau. Au moins dire bon gros bagage à soi là, oui, bon essayer résumer pour nous comprendre. C'est l'esprit qui donne la vie. Maintenant, avec le péché, l'esprit était mort, c'est-à-dire séparé de Dieu. Maintenant, par amour pour nous, Dieu a payé le prix. C'est pourquoi Jésus est venu. Quand le prix est payé, à partir de ce moment, Jésus nettoyait le temple, le corps, et il a recréé le cœur quand tu es là, il retire, la Bible dit nous, il retire les choses anciennes sont passées et il va recréer un cœur nouveau. C'est ça que nous voulons l'esprit. C'est à ce moment que Jésus peut dire aux disciples, après sa résurrection, recevez le Saint-Esprit et il souffla sur eux et c'est à ce moment qu'ils sont nés de nouveau. Hier soir, on t'a dit que les gens qui n'ont pas gagné l'Esprit de Dieu, pas gagné la vie de Dieu, la vie Zoé. Maintenant, il n'est pas capable d'entrer en relation durable avec un monde qui pagain l'esprit de Dieu, hein, parce que le mariage pas uni deux esprits. Maintenant, pour me marier, pour me gagner, ça me pral relé, cette union de chair, les deux deviennent une seule chair, c'est là, nous pral, et font chita soya. Il faut que d'abord, attendez bien ça, union d'esprit a li fait déjà. Va comprendre ça pour jeune moi yo comprendre ça. Le mariage m'insister sous lui. Le mariage n'unit pas les deux esprits. Il faut que esprit ça unit d'abord. Et qui est-ce qui est capable d'unir? C'est seulement Dieu. Comment? Quand on accepte Jésus comme son sauveur personnel, automatiquement, nous sommes unis avec lui. Et cette unité d'esprit, c'est seulement par ce miracle qu'a opéré, quand je suis devenu une même plante avec le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 17 nous dit que lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous en Christ, nous formons avec lui un seul esprit. Cette unité d'esprit, c'est pas par la cérémonie de mariage que ça va arriver. Ça doit arriver d'abord quand j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Quand je suis devenu membre de la famille de Dieu, à partir de ce moment, l'esprit est uni. Nous allons pour qu'on comprenne, bon, on prend ça. Bon, on retourne en Éden avant nous. Le bon Dieu fin créer l'homme. C'est une galère bien programme là. Ma foi que dans Genèse 1er, il va nous résumer là. Il créa l'homme et dans l'homme n'a gagné et madame non et monsieur. C'est ça que bon Dieu réel l'homme là. Parce que Genèse parle dit moi, Dieu les créa et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Donc, Maria et Madame, non? Pour bon Dieu, ils ont tous deux relé l'homme. C'est ça l'être spirituel. Ils ont tous deux, bon Dieu, relé l'homme. Ils sont déjà unis d'esprit. Maintenant, Genèse 2, bah, nous détaille. Jean bon Dieu, t'as fait séparation entre corps garçon et corps fille. Genèse 2, bah, nous détaille. Mais si nous regardons bien en détail Genèse 2, ben nous, hein, nous voir que le bon Dieu fin formé Ève, Adam, il fin fait dormir, il fin côte, il prend yon côte, il créé femme là. Mais regardez bien, on voit le texte là, pas dit nous que bon Dieu soufflait dans nez fille encore. Parce que il déjà en vie. On va reprendre ça. Bon Dieu pas soufflé encore dans nain femme là pour venir la vie parce que déjà gain la vie a déjà. Maintenant corps là c'est juste forme corps féminin à former mais la vie Zoéa, il l'a déjà. Ils sont déjà unis dans la vie dans l'esprit. Maintenant le mariage pralvin permettre qu'on y a gagné cette union de deux corps, de deux chairs. Mais l'union d'esprit est déjà là. Zamim, là, c'est dans, nous sommes dit dans Job, connaître les lois du ciel. C'est dans la loi que nous sommes là. C'est l'esprit qui donne la vie. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La vie, c'est dans l'esprit. Et ce que Paul fait mariage ou à durer, c'est justement qui esprit qui est dans le mariage. Si nous avons deux esprits différents, ils ne sont pas capables de durer parce que chaque aller dans un bout et ils ne sont pas capables d'arriver dans le même chemin ensemble. Donc, c'est pour raison ça, nous comprenons la soirée que mariage là, c'est un grand atout pour bon Dieu, mais il est important pour nous connaître loi ciel. Nous sommes devenus maintenant en Jésus-Christ un seul. C'est cette unité d'esprit d'abord. En Jésus-Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave, ni pauvre, ni riche. C'est là l'esprit est uni d'abord. Mariage là, c'est pas ça qui vient fait. C'est-à-dire, si ça n'a pas fait, c'est pas mariage là qui vient fait. Point. Important, il faut que avant mal marié à commun, faut que en esprit, c'est-à-dire en Jésus-Christ, moi déjà formé un seul avec cette personne. Et comment me former un seul avec elle, le monde ça un seul avec Jésus et moi-même moi un seul avec Jésus, donc nous déjà un seul en esprit. C'est déjà une bonne solution que nous portons dans le mariage là, lorsque cette unité d'esprit est là. Maintenant, nous arrivons dans le deuxième bout là. Nous comprenons assez clairement que le mariage ne n'unit pas les deux esprits. Les deux esprits sont unis en Christ. En Christ. Donc, premier travail pour faire, c'est pas aller chercher, et jeune garçon, qui bel garçon, qui travaille là, fille qui bien portée, là. C'est pas comme ça qui est important. Ça qui est important, c'est est-ce que ou même ou uni à Christ? Est-ce que fils ça, ni uni à Christ? Si ou pas uni à Christ, fille a pas uni à Christ, l'union, mariage là déjà passé à côté. Moi mais pour que ça les bien chita dans tête nous pour qu'on capable avancer. Maintenant que nous gagnons ça qui bien devant nous, nous prenons le mariage là comme une pierre précieuse. Pas dans niveau esprit à là encore. Niveau esprit à, il est déjà classé. L'esprit est uni en Christ. Maintenant, il va falloir travailler pour cette union de chair. D'ailleurs, le programme du mariage, Jésus va l'expliquer non, pour un principe là que bon Dieu bail, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il n'est pas dit un seul esprit, parce que ça a déjà fait déjà en Christ. Là, mais nous comprenons ça clairement. Les deux deviennent une seule chair. Maintenant, c'est à ce niveau que tu restes en guerre pour réfléchir. Ils deviendront une seule chair. Moins sorti dans une famille, moins sorti dans une ville qui est capable d'éloigner de madame, moins dans l'éducation, ligons l'autre éducation, moins dans personnalité, ligons l'autre personnalité, moins bon tempérament, moins bon façon moins bagayyo, li gon tempérament, li gon l'autre façon moins bagayyo. Et texte la din kounya, les deux deviendront une seule chair. Bwa di non bagay. C'est exactement programme mariage là. Les deux deviendront une seule chair. Mais m'apprend à lire avec nous Psaume 34. Psaume 34, verset 13. Nous allons comprendre pour qu'ils ont posé comme ça à Soya. Nous allons voir pour qu'ils ont Kounia. Psaume 34, verset 13 dit: quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Mais la raison là déjà, oui. Dans l'autre version, il dit: quel est l'homme qui aime la vie, qui aime de longs jours pour connaître le bonheur? Zami mon clé là, parce que texte là dit nous assoya, faut que nous connaissions les lois du ciel. Le bonheur pas jamais vini rapide. Le bonheur c'est pas bagaille qui fait rapide. Pour le bonheur, ça prend du temps, de longs jours. Prolonger les jours pour pouvoir connaître le bonheur. Assoyez-vous, je vais parler avec vous là. Madame, mari, ou même fiancé, ou même jeune qui remet, qui pressé, ou pour que bon pour mariage. Mariage là, pas mandé pour presser. M'bal fè nou wè yon ti imaj. Genyen sa yon rele nan la ter le diamant. Diamant e an pil pier precieuse yon formé nan ter. Men yon pa formé du jour au lendemain. Sa pran du temps. Ça prend du temps. Ils ont pas formé du jour au lendemain. Et ça prend des pressions. Ça prend des températures très fortes. Beaucoup de pression, beaucoup de températures. Et avec toute pression ça y a, mélangé avec du temps, c'est pas un an ni deux ans, mais des centaines, et même des milliers d'années, carbone ça, pral vin tourne, ça que oué que y aurait les diamants. On a kebe imay sa asweya. Diamant, c'est carbone ni. Oué carbone nan, charbon. C'est carbone, tout noir. Mais à force de haute température et de pression et du temps, yo combiné ensemble et yo vin formé ça y aurait les diamants. Et moi ben on bagay qui gen la donne. Diamant, li vin tourne élément qui pi d'une en terre. Ou pas qu'à couper diamant avec n'importe qui outil, ni dans n'importe qui condition. À force du temps, de pression, yon vin fusionner pour former yon corps qui solide, yon corps qui ferme, que n'importe bagay pas qu'à couper. Zamim, Marie, Madame, mais ça, mariage là, y est. Les deux. Mariage là, bon, me dis nous, ni pas, c'est pas un garçon collé à confit. Si me prends deux morceaux de bois, mettons, on colle sous yo, on colle yo, quelque, n'importe qui pression m'baille, yo capable de décoller. C'est pas mariage là, ça. Mariage là, travail mariage là, c'est pas coller ou nèg à qui on fi, mais travail mariage là, c'est fusionner ou nèg à qui on fi. Fusionner yo, à force de pression, à force de température, quand on a une pression ça dans la vie, quand on a une chaleur ça dans la vie, lorsque ces deux morceaux de bois qui collent ensemble, dès que pression en vini, ils décollent. Mais lorsque ils fusionnent ensemble, leur pression en vini, ils viennent picoler, ils viennent pidur, ils viennent former l'ensemble, et leur viennent tourner diamant ça, pas gagner n'importe ti bagay ki kapab séparer encore, ki kapab couper encore. Mais ça, mariage la yé. Zanmim, le n'ap gade la vie jodi a. Nou la vie jodi a son la vie presse bouton. Son la vie pressé. Son la vie rapide. Son la vie. Et c'est ou besoin acheter une chemise ou c'est bon. Donc nous on bagaille là. Ou besoin acheter un costume ou alors ou laisser costume là. Ou gen doit aller en mariage avec le lendemain pour tel tourner. Donc son monde qui va nous faciliter essayer vienne retourner remettre. Si ça a marché, OK, li pas marché nous remettre li. Mais malheureusement nous envie prend ces choses dans le marché pour nous mettre dans relation humaine. Ça va marcher comme ça. Ça va marcher comme ça. Télévision ba nous qui ça? Télévision ba nous même attitude là. C'est presse bouton, conseil de remain qui fait ou série de émission télévision, c'est ça yo prôner. Que ça a bon ou rete, ça a pas bon ou marché. Et ça vient faire que nous, malheureusement, même au niveau de l'église, nous rentrons derrière tête nous avec même conception ça, que nous avons essayé. Mais en soyant, vient dire dans l'autre bagaille. Psaume 34, verset 13, dis-nous, pour que nous connaissions le bonheur, ça prend du temps. Ça prend de longs jours. C'est pour raison ça qui fait bon Dieu mettre mariage dans une relation d'alliance, une relation de sang. Bon, l'autre argument qui fait l'entrée la cunière. Le mariage est une alliance de sang. Son argument important pour nous comprendre. Quand on dit alliance, mariage n'est pas juste un contrat qu'on signe avec le monde. C'est une alliance. Ou alliance de sang. Sang, c'est la vie. Donc, mariage là, il n'est pas fait pour un jour, mais il est fait pour durer toute la vie. C'est pour raison ça qui fait dans chaque fille gagner une réserve de sang pour que dès qu'il y a un mariage, mariage là pour le consommer, consommation mariage là fait couler le sang. Le sang là pour dire que c'est une alliance qui dure toute la vie. Et c'est pendant cette période ça, pendant toute la vie, que n'a essayé comprendre l'une l'autre, c'est là ça, pression yo a vini, tension yo a vini, et là pression a vini puisque nous n'avons une alliance de vie, ça va faire me courir, mais au contraire, plus pression yo a vini, c'est plus madame n'a accroché la Maria, plus pression yo vini, c'est plus madame n'a accroché la Maria pour que yo vin former yon seul chair. N'oubliez pas, ils sont déjà un seul esprit en Christ. Maintenant, un seul esprit yo a vivifié chair yo pour que lorsque pression en vini, lorsque tension en vini, pour que vie capable consolider et à ce moment ils deviendront une seule chair. Frères et sœurs bien-aimés, l'important à soya pour nous méditer sous ces paroles ça. Nous va pas faire en pile discours avec nous à soya. Mais l'important pour nous comprendre ce plan bon Dieu gagne pour nous. Les hommes et la femme yo pral maintenant mettez yo ensemble uni d'esprit et quel que soit pression la vie que pral vin mettre la donne ça pral fait yo vin youn plus accroché à l'autre mais ça mariage spirituel la pral fait pour nous. Mariage côté nous connaît les lois du ciel et ces lois ciel ça pral diriger nous li pral permettre quoi les forces que nous gagnons individuellement et nous pral étudier pendant période noire qui ça un garçon y est spécialement et qui ça un fille y est spécialement qui puissance il gagne un garçon qui puissance il gagne une fille et qui Jean bon Dieu fait pour que deux puissances ça yo mettent ensemble pour que nous te lis déjà texte là pour Deutéronome 32 verset 30 qui dit un chasse 1000 mais deux chasse 10 000. Pour que lorsque les deux forces yo combinées ensemble, résultat yo bay la, c'est des résultats exponentiels. Maintenant, c'est pas et dès que pression en vini pour chaque fond bon, mais non. Dans mes images, ça arrête dans l'esprit noir, soya. Plus, étant bien ça me va le dire, grand pile monde qui pas d'accord. Plus, gen problème dans mariage spirituel, hey, t'as des paroles là. Plus des pressions, haute température, dans un mariage qui déjà lié spirituellement, c'est plus mariage la vie solide. Wow! Diamant, plus il y a une haute température, c'est plus la vie plus dure. Et c'est plus la vie plus durée. Et nous parlons, on bagaille encore, oui. Nous parlons, que moi dis nous, et pas c'est pas tout outil capable couper diamant et l'on prend diamant plus on couper diamant c'est plus li briller puis bien wow mais ça mariage spirituel là fait pour nous lui permettre que nous vienne plus solide nous vienne plus ancré dans parole là nous vienne plus ferme. Et quel que soit maintenant, ti vent ennemi en pral souffler. Ah, bon me dire non bagay, bon me retourner dire non bagay. Moi te dis non que pi gros atout bon Dieu sous terre, c'est l'homme et la femme unis ensemble dans le mariage. Vous remarquez, ils forment un diamant, ils forment et m'a dit non ça. Ouais, diamant formé hein. Quel que soit niveau température que m'bal encore, li pa jam tourner carbone. Le mariage, c'est un diamant. Ça prend du temps pour vin tourner diamant ça. Les deux deviendront une seule chair. Et lorsque yo vin tourner une seule chair ça, quel que soit côté me couper diamant, li pi brille toujours. Li vinn pi belle, li vinn pi chère toujours. Voilà le plan de Dieu pour la famille. Moi dis donc que c'est pigou à toi, pour qui raison? Parce que la famille, c'est lui-même qui base toute société. Et société a, c'est lui-même qui base l'humanité. Si Satan main mariage là, li main famille en tout, parce que pour gagner la famille, il faut le mariage, un homme et une femme. Et si le main mariage là, li ba en fami ya. Et si li ba en fami ya, li ba en société ya. Si li ba en fami ya, li ba en l'église la, li ba en l'école la, li ba en ville la, li ba en société ya. Et si li ba en société ya, li ba en li détruit l'humanité. Et là, li attaque qui est Dieu qui a créé l'humanité. C'est à ce niveau que vous devez voir, frères et sœurs, l'importance de cet acte qu'on va poser dans le mariage. Et donc, on va voir plus devant que le mariage, conseil de raison qui fait nous entrer dans le mariage, qui n'a rien à voir avec plan bon Dieu. Le mariage n'est pas là pour le sexe. Quand il y a des gens qui disent, bon, ils ont besoin d'un sexe de façon légale, donc ils sont mariés. Et on va le déçu, non. Le sexe dans le mariage occupait 1%. Donc, si c'est pour qu'on va gagner sexe qu'on rentre dans le mariage là, ou pour qu'on a 99% pour gérer, qui sont pour le faire? Là, on finit satisfait de sexe là. Toute l'autre pression est venue, automatiquement, on va demander de quitter ça. Ah! Alors, on aurait été là, soya. Mais rappelez-nous ça. Mariage là, son diamant lié. Diamant, ça prend du temps. Il prend haute pression, haute température, mais l'œil formé, il est durable. Un rien pas capable de mettre à terre. Un rien pas capable de faire retourner le carbone encore. Nous allons reprendre l'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Christ? Moi et le Christ, nous formons un seul. Le diamant est là. Donc, qui s'a séparé nous en rien encore? Ni la tribulation, ni la nudité, ni la faim, ni les problèmes de ce monde, ni les problèmes à rien, l'apôtre Paul dit. Mais voilà l'intention de Dieu dans le mariage. C'est pourquoi le mariage est une alliance de sang. Une alliance qui dure toute la vie. Et lorsque ça arrivait, à partir de ce moment, un chasse 1000, deux chasses 10 000. Un chasse au seul, parce que Jésus parle de nous, pouvoir pour nous chasser les démons. Qu'est-ce que ça parle de là? Bon, je finis avec ça. Un seul garçon chasse 1000 démons. Nous avons cette autorité. Mais lorsque il est connecté à madame, il y a deux à chasser 10 000. Qu'on a mis tête nous ensemble. Moi-même, madame, moi, je chasse 10 000. Ou même, madame, moi, je chasse 10 000. Lui-même, madame, moi, je chasse 10 000. Donc, tout côté, n'a chassé des démons. Et faut nous songer ça. Diable là, avec tout démon lio, pas qu'à faire petit. Donc, même là, le petit démon que t'es là, depuis le revenir, hein, c'est même quantité à là. Or, nous-mêmes, nous fait petit. Nous-mêmes, nous grandit. Nous-mêmes, donc, nous avons autorité. Imaginez-nous. Nous, chaque, nous mettons ensemble. Nous comprenons ça. Nous chassons 10 000. Nous tapons déjà nettoyer la terre de tout petit démon saillot. Voyez-vous dans l'abîme et quittez petit bon Dieu marcher normalement. Voilà le plan de Dieu, frères et sœurs. Ah! Mon vie excitée, mais l'heure a fini. Que l'Éternel nous bénisse ce soir. Et que nous toutes, nous comprenons que mariage là, c'est pigot à tout pour travail bon Dieu à sous terre. Et là, nous comprenons ça, nous unis avec le Christ d'abord. Le besoin marié, premier union à Christ pour me faire. Et l'homme uni avec Christ, à partir de ce moment, lorsque je peux faire l'union de chair avec une femme, et me connaît, nous peux former un diamant. Ça prend du temps, ça prend des pressions, certes, ça prend de la température, certes, mais plus il y a une température, plus il y a une pression, c'est plus nous vivons ensemble, plus nous capables de gérer les choses, parce que l'intimité, c'est pas le sexe, nous connaissons ça déjà. L'intimité ne se crée pas par le sexe, mais l'intimité se crée par la façon que nous mettons ensemble pour nous résoudre un certain de problèmes. Lorsque nous mettons ensemble pour nous résoudre des problèmes, c'est à ce moment que nous une vivons contre l'autre, nous une vivons plus soudés à l'autre. Quelque chose à côté de moi, comme dire, madame, je ne vais pas faire tel bagaille. Quelque chose à côté de moi, je dis, non, je connais Marie, chérie, je ne vais pas faire tel bagaille. Donc, nous unis uni, même quand nous loin, mais nous yon fin kon l'autre, et c'est ça mariage la fait. Nous vin uni, nous vin yon diamant ensemble, et n'a chassé tout mauvais esprit, tout démon, et rend la terre libre à la gloire de notre Seigneur. Amen.